Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Bonjour à tous et bienvenue à Décennies en direct du Marathon Cast. Eh bien, chers amis, sincèrement, je suis très content d'être avec vous parce qu'on rencontre plein de camarades podcasters. On vient de croiser Gamerside, évidemment, on a nos potes de VHS. On a Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Est-ce que rapidement tu peux te présenter pour nos auditeurs? Alors, moi, je suis un peu la femme de l'ombre de la revue de presse JV. Je m'occupe de tout ce qui est... Trésorerie. Voilà, administratif. Surtout les concours, en fait. Je m'occupe beaucoup des concours et des fois, j'aide... Et du montage, il faut en parler. Il faut en parler. Ça arrive des fois, ça m'arrive. On a également Shenron. Est-ce que tu peux te présenter, Shenron, pour nos auditeurs? Oui, bonjour. Donc, Shenron de Sega Mag. Donc, membre de l'équipe du site depuis plusieurs années, dont je fais des tests, des reportages. Donc, tu es fan de Nintendo, on est bien d'accord. Tout à fait, c'est la logique implacable. Et mon comparse, qui est toujours là, qui est, je crois que tu t'es incrusté absolument à tout, mon ami Yetcha. Bonjour Yetcha. Salut à tous. Ouais, je me suis incrusté un peu partout. On m'a pas encore trop vu là pour l'instant. C'est le tour de chauffe et après, normalement, content je vais d'être être là, Yetcha. Ah, super content, c'est un superbe événement. Et je fais, tu vois, exceptionnellement, je fais un coucou à ma maman parce que, incroyable, elle me regarde. C'est les bonjour Yetcha. Bonjour la maman Yetcha. Alors, les amis, Marathon Cast oblige. Aujourd'hui, on s'est dit, tiens, avec Yetcha, on s'est posé la question. Nous, vous savez, comme je dis toujours, notre fond de commerce, c'est l'audio. Mais là, on a la chance d'être en Twitch. Bonjour les amis. Et on s'est dit, autant profiter de la vidéo. Et aujourd'hui, pour ce numéro de Marathon Cast, on va parler de pub. Et on va commencer direct par notre camarade Yetcha, qui fait une petite fixette, on peut le dire, sur la bouffe. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de manger des bonbons. Oh non, c'est pas vrai. Il a même ramené le gros paquet. Il a mangé trop de dogs, ça va. Et on se passe tout de suite le premier choix de Yetcha. Nous sommes en 1981. Bonjour, la situation est grave. Les Français ne savent pas buller. Heureusement, j'ai créé le Double Gum. Double Gum, c'est le chewing-gum en tube. Et ça fait des boules énormes. Alors prêt, buller. Double Gum. Et retrouvez mes aventures dans les sachets Léo. Double gum, double gum, double gum. Alors Yetcha, on part dans le chimique là, parce qu'on avait le Tang. Qu'est-ce que tu vas nous vendre, mon Yetcha? Je vais te vendre du chimique aussi, l'industrie alimentaire typique des années 80. Grave. En fait, Double Gum, moi je trouvais ça juste trop bon, quoi. Ce chewing gum dans un petit berlingot. Et alors, c'est incroyable parce que hier, quoi, j'ai été faire de l'essence. Faire de l'essence, au moment vais faire de l'essence. Enfin, c'est plutôt à Caen, parce que c'est vrai qu'à Caen on dit faire de l'essence. Bah oui, on a tous notre petite station chez nous à la maison. C'est ça. Donc je vais faire le plein et en allant payer, en fait, je suis tombé au comptoir, voilà. Mmh. Et il y avait des Double Gum. J'en ai acheté un. Mon Dieu, ça existe. Et alors, je l'ai amené. Je l'ai pas encore ouvert. Je vous ferai goûter. On fera un unboxing tout à l'heure. Allez, les amis, si vous lâchez 10€, on lâche le Double Gum dédicacé par Yetcha. Donc, mais ce qui était bien avec le Double Gum, c'est vrai que c'était un chewing-gum qui, quand on est petit, moi en 81 j'avais 6 ans, on faisait des bulles facilement en fait. La texture faisait que ça tenait vraiment très très fort et on pouvait souffler et faire des grosses bulles sans qu'elles éclatent quand elles étaient toutes petites, quoi. Donc Natacha, ça, tu t'en souviens du Double Gum? Oh, je m'en souviens, j'en ai avalé un certain. Ah mon Dieu, par contre, je sais pas pourquoi là, j'ai un rappel. Je me souviens quand il en restait pas beaucoup, tu découpais le fond. Exact. Je trouvais ça dégueulasse. Et toi, Shenron, ça te parle? Ouais, je m'en souviens. Ouais. Ah, est-ce que je prenais Double Gum ou alors une sous-marque encore plus pétrochimique? Genre Leclerc. C'est possible, je ne me rappelle pas. Autant la pub, je ne me rappelle pas, mais le produit, je me rappelle bien, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Alors là, on passe à ton premier choix, Shenron. Alors moi, je vais te dire ce que j'ai écrit. J'ai marqué « qui souhaite nous vendre Stalker, le parfum des gros voyeurs, sous une musique d'un Michael Jackson sans la licence. » On s'écoute ça tout de suite. La Berrian Girl. Ouais. Bien, c'est clair, hein. Merci Jordan. Moi, je suis content, j'ai toujours rêvé de dire ça. Regardez-moi cette pub, les amis. Ah oui, c'est typique années 80. Quand vous le voulez, tout peut arriver. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans Stalker, le parfum des Stalkers? Mais c'est grave, en fait. Tous c'est les, hallucinant. Toutes c'est... les pubs Impulse, c'était un inconnu vous offre des fleurs. Ouais, hein. C'est mais la force d'Impulse. Moi, si on me fait ça, mais je sors mon ma bombe au poivre, tu sais. Un inconnu m'offre des fleurs. En plus, je passe devant l'inconnu. Il dit, tiens, celle-là, elle sent... Enfin, en plus, il faut cocoter, hein, pour que ça se sente à côté. Ça se sente à côté, ouais. Le mec, il va chercher un bouquet, il me pourchasse dans le train, voire chez moi, pour me faire un bouquet de fleurs. Hein. Ah, bah, c'est les années 80 dans toute sa splendeur. Ah, mais c'est ça, c'est totalement creepy, en donc, fait, cette pub. Ah, mais complet, j'ai adoré ton choix. Natacha, tu t'en souviens de ça, de Impulse et tout? Je me souviens surtout que, en fait, ça sentait rien du tout. Ah. Je me rappelle que quand on mettait, au bout de 10 minutes, tu sentais plus rien, déjà, de base. Bah, d'où le... Voilà, d'où le... Et là, la couche d'ozone et tout. Ah là, c'était magnifique. C'était HC et tout. Et donc, Yetcha, est-ce que t'as offert des fleurs? On m'a pas offert de fleurs, j'en ai pas offert non plus. Mais oui, je me rappelle. Ouais, mais quand on était gamin, ça marchait. Tu sais, les réclames en boucle. Moi, je m'en souvenais personnellement. Bien sûr, non, Impulse, mais j'ai beaucoup aimé ton choix parce que le côté Michael Jackson du pauvre. Mais oui, versus ça, je me rappelais pas. Le gros suiveur, quoi, tu vois. C'est ultra creepy, t'as complètement raison. C'est que le combo Michael Jackson plus Stalker, c'est ultra creepy. Effectivement. Je valide complètement. J'ai oublié de signaler que nous sommes quand même en 1985 pour cette pub. Alors là, on fait un petit saut en 1986. Et là, c'était à la gloire du sucre, du sucre, du sucre. Et c'est donc Natacha qui va nous parler de sucre. Petit des grands plaisirs. Le sucre. Là, franchement, très bon choix. Aujourd'hui, ça passerait plus ce genre de pub, clairement, non, quoi. Ça, vous vous rappelez de la pub Banga avec Carlos qui chantait Oasis? Non, Oasis, pardon. Oasis, c'est bon, c'est bon, c'est du sucre, c'est du sucre, et puis du sucre. En fait, c'est une pub qui pourrait effectivement plus passer maintenant parce qu'on est très à fond sur justement tout ce qui est naturel, tout ce qui est sans sucre. Mais surtout, en fait, moi, il faut voir qu'en 86, j'avais 4 ans. Et elle me faisait rêver cette pub. Ah mais complet, mais blague à part, elle est belle la pub. Elle est un produit. La performance complètement. Était superbe quoi. Ouais. Et en fait voilà, c'était juste pour ça parce que c'est un grand souvenir que j'ai de cette pub, même si maintenant je ne peux plus manger dessus. Moi non plus. Non mais moi j'aimais bien, c'était, on l'a dit vite fait en offline, c'est le pastiche des nuls, tu sais, où t'as Farouja, il est en train de prendre son café, et t'as le sucre, c'est et il sort d'être, putain, Roger, merde, oui. Non, mon écharpe et tout. Enfin bref, encore une fois, ça montre vraiment qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Les maintenant, pubs à la pubs gloire sucre, du sucre, c'est plus du tout, quoi. C'est plus possible. Vois, c'est plus possible. Alors, on parlait de Impulse, j'ai pas fait tout exprès. On passe à la décennie, parce que maintenant, vous savez qu'on s'appelle décennies. Hein. Oui, voilà. On passe aux années 1990. Shenron, elle a décidé de parler de parfum. Moi, aujourd'hui, j'ai une thématique. Elle a une thématique. À titre perso, je valide chaudement. Dalida, et même Sacha Distel. Pourquoi cette pub? Dites-nous. Bah en fait, tu parlais de la parodie de la pub sur le sucre des nuls. Hein. Et moi, j'ai pensé tout de suite à la parodie aussi des nuls sur cette pub-là, avec Farvoudija, c'est pareil, mais qui fait quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Et qui du coup asperge des quantités mais astronomiques de parfums. Mmh. Et à la fin, il est enfumé, il sort de la maison parce qu'il n'arrête pas de tousser. Il n'en peut plus. Ah, je la connais pas. Moi, je me souviens de la pastiche de Yves Lecoq qui faisait Wizaï. Oui, ça, je connais ça. Je connais pas ça. Mais bon, ça. Quoi. Mais blague à part, ils avaient un sacré carnet de chèques parce que pour avoir quand même, c'était peut-être d'affiches comme ça. Ouais, parce que ça reste vidéo pour chiottes, quoi. C'est ça. En gros, hein, c'est ça. Moi, j'aimais bien le Luron quand il était petit. Les gens pêchent dans leur maison avec. Ouais, mais ça sentait les chiottes. Ça sentait les chiottes. Ça sentait les chiottes. Dans la maison. Non, mais c'est une époque où tu avais vraiment des célébrités, enfin c'est encore le cas un petit peu, mais qui allaient vendre leur... En plus, c'est une chanson d'Anna Mouskouri à la base. Hein. Oui, c'est oui, ça, oui, chanson, oui, oui, oui. C'est oui, ça, qu'elle n'hésite pas totalement dégradée à pasticher pour une pub. Hein. Mais c'est resté, parce que c'est vraiment c'est une pub hyper connue. Quoi. Enfin, ben, je pense que ça, Wizard, c'est pas les seuls sur les marchés. Et peut-être même qu'on connaît plus la pub que la chanson. Oui, c'est pas impossible. C'est sûr et certain. Moi, perso, je valide. Hein. Je sais pas vous. Ah oui, totalement. Yetcha, t'as envie d'acheter du Wizard et tout. Ah bah oui, oui. Je me souviens aussi, Sacha dit Wizard sec, quel brio. Ouais, c'est ça. Sacha Distel, c'était pas mal aussi. Alors, on passe à toi, donc, Natacha. Alors là, tu m'as fait ultra plaisir parce qu'en plus, tu m'as confié avoir une anecdote ultra croustillante. Je sais même pas si Bruno est au courant. Oh, Bruno, attention, les amis. Et je crois qu'il regarde le stream là-bas. Un tropico, coco. Tropico, coco. Sens que tu peux. Oh, écoute, tu veux la chanter. Eh, vas-y, eh vas-y. Ben, tropico, coco. Bien, avec journaliste. La peluche de Cacatoès, c'est ça, non, là. Non, non, non. Un perroquet. Putain, je confirme, pas, c'est un vrai perroquet. Ah oui, oui, je confirme. Alors, attention, Natacha, faut savoir qu'elle est experte en volatile. C'est très exactement un araona. Voilà. En fait, il se trouve que j'ai mis cette pub parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec le fameux perroquet qui a tourné dans la pub. Ah oui, ah, il est sympa. Le vrai. Qui a pas. Ouais, en fait, il appartient à un monsieur qui s'appelle Simon Turier qui possède une fauconnerie dans laquelle j'ai fait un stage. Et donc, ce fameux perroquet qui s'appelle Django a aussi joué dans Le Marsupilami. Il y a un moment, il y a un perroquet qui boit la cannelle. Ça vit longtemps, ça vit 50 ans, un perroquet. Ah ouais, il faut le savoir. Quand on achète un perroquet, on en a pour 50 ans. D'accord. Et un perroquet, c'est très intelligent. Ça a l'intelligence d'un enfant de 4 ans et demi, il faut savoir. Donc, c'est souvent plus malin que nous, puisqu'on les prend pour des demeurés, mais en fait, pas du tout. Et il se trouve que lui, c'est vraiment une star. Il a l'habitude d'être traité en star. Et quand je me suis pointée pour faire sa volière l'un des premiers jours où j'étais à mon stage, j'ai fait toute la volière avec Django accroché à mon pantalon. Ah. Qui ne voulait pas me lâcher. C'est voilà. Bon. Et pour quelle raison alors il ne voulait pas te lâcher? Parce qu'il avait envie de s'amuser et voilà. Et quand j'approchais la main, il essayait de me choper. Donc il faut savoir qu'un perroquet, ça peut couper un doigt très facilement. Oui. Donc j'ai pas réussi à le décrocher. Juste quand j'ai quitté la volière, j'ai réussi à le décrocher par miracle, je ne sais pas comment. Et voilà. Donc en fait, à chaque fois, je pense à Tropico et je pense à Django. Voilà. Tu penses au harcèlement sexuel de Django de perroquet. Voilà, c'est ça. Non, mais bon, après, c'est show business. Ça, hein. Très... Excellente anecdote quand même. Là, je ne m'attendais pas à ça. Bah, cela dit, en spectacle, ça va. On faisait des rappels. Bon, il était sympa. Mais après, c'était toujours le dernier vivant, à arriver le à volatile. Il est toujours vivant. Mais c'était pas il y a pas si longtemps. C'était il y a 2 ans. Hein. Ah oui, Tropico, Django. Alors, pour la petite anecdote, la pub date de 1991. Alors là, évidemment. Hein, on a une fan Sega parmi nous. Hein. Elle est à ma droite. Où ça? Là, à ma droite. Je souhaitais secrètement que tu nous mettes cette pub culte parmi les pubs cultes. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà ? Sega, c'est plus fort que toi. Sida, c'est plus fort que toi. Désolé. Encore les nuls. Ouais, encore les nuls. Toujours, toujours. Le fameux slogan. Sincèrement, bon, moi, je n'ai jamais été... Avec ce perso. Mais c'est, pourquoi cette pub ? Pourquoi elle est-elle si culte ? Ah bah, elle est culte. Bon, effectivement, je suis fan de Sega. Mm-hmm. Donc, j'étais presque obligé contractuellement de mettre une pub Sega dans cette sélection. Non, puis surtout, c'est une campagne de pub qui a marqué tout le monde. Que même quand tu n'étais fan de Sega, quand tu ne jouais pas aux jeux vidéo à l'époque, le slogan « Sega, c'est plus fort que toi », il est resté. Est-ce qu'il est toujours d'actualité, d'ailleurs, ce slogan ? Plus trop, non ? Ça s'est perdu à l'ère Saturne, je crois, non ? Un tout petit peu, quand Sega sort encore quelques petites goodies pour le marché français. Mmh. Il faut encore allusion à ça, par exemple. Parce que c'était une pub France. C'était une pub France. D'accord. On est, dans le reste du monde, il n'y a pas eu autre chose. Non. C'était, chaque région avait son propre type de pub. Ouais. Et ça, c'était une pub française. C'était Virgin ou Mastertronic à l'époque. Alors, en plus de dire une ânerie, c'était pas le personnage de Forgotten World ou un truc comme ça, non? Le punk, hein? Le punk, non, c'est le punk non, Sega. Non, c'est le punk Sega. C'est le punk Sega. Et quand tu dis chaque région, pardon, quand tu dis chaque région, c'est vraiment pays, c'est pas Europe, Asie et Amérique c'est du Nord. C'est par quoi. Pays, par exemple. Vraiment par pays. C'est par pays, par exemple, je sais qu'aux USA, c'est connu, ils avaient le Sega Scream et Genesis, DOS, oui, Nintendo, oui, d'accord, tout ça. Ouais. C'était pareil au Royaume-Uni, ils avaient leur campagne de pub à eux, qui était un peu vulgaire d'ailleurs, notamment sur papier. Mais en France, c'était... Non, c'était uniquement pour la France. D'accord. Pour la France, c'était le punk de Sega. À la force de frappe de Sega, moi, je m'en souviens parfaitement. Je veux dire, quand tu as évoqué le fait que tu avais envie de participer, je t'aurais naturellement dit, putain, faut que tu places du Sega, quoi. Mais c'est évidemment, obligé, quoi. C'était à l'époque où ils avaient les fadeurs. Il y en avait deux, trois dans le même univers. Je me souviens plus trop des Sega qui étaient... Je pense qu'il y en avait une pour Forgotten Worlds. Hein. Il y en avait voilà, une pour Shinobi. Il y en avait peut-être 4-5 au total. Plusieurs parce que je me rappelle d'autres qui étaient différentes. Ouais. Ouais, j'ai failli en mettre une justement. Là, tu vois. Non, mais celle-là, franchement, on est dans le haut du panier. Là, franchement, il y a de la prod, quoi. Il y a du pognon. Alors là, on bascule. Donc 1991, Sega. On passe à 1992 et c'est Natacha qui nous fait carrément l'ouverture du parc Disneyland Paris. Ah. Euro Disney est ouvert. Venez vite découvrir un monde fabuleux d'enchantement et d'aventure. Euro Disney, 6 hôtels de rêve au cœur d'un monde de loisirs et de sport pour des vacances magiques. Téléphonez dès maintenant pour réserver votre séjour ou pour toute information. C'est Mickey Donald. On va faire les étoiles avec les mains comme ça. 1, 2, 3, Mickey Donald et moi. Non, ouais, bon, d'accord, je suis seul. C'est Mickey Donald et Dingo qui arrive et qui passe en dessous. En fait, les portes du le château chien. S'ouvrent. Ah oui, d'accord. Les portes du château de la Belle au bois dormant s'ouvrent. Oui. Et en fait, on arrive dans Main Street, on passe par le train de la mine, on passe. T'avais quel âge en 92, Natacha? 92, j'avais 10 ans. Ah ouais, bah là donc, la magie est sensible, quoi. Et la magie a opéré direct et je rêvais que d'une chose, c'était d'aller à Disneyland Paris, surtout que j'avais vu la cérémonie d'ouverture. Attention, c'était Euro Disney. Oui, c'était Euro Disney. Attention, c'était Euro Disney à l'époque. Et j'avais vu la cérémonie d'ouverture qui m'avait fait rêver. Et puis là, on voyait du Star Wars dans la pub, quoi. Du Star Wars. Ah, je m'en souviens. Du Star Wars, elle est bien sûr que oui. Ah, bah oui, parce qu'il y a le Star Tour, en fait. Il y avait le Star Tour. Ah, déjà, dès le début, le Star Tour. Il y avait le Star Tour. On voyait des fantômes qui sortaient de la maison hantée qui étaient celles de. Moi, j'ai mon copain Ludo qui a vomi dans le Star Tour. Salut, Ludo. Ah bon Il avait une cinétose. Alors, forcément, dès qu'il voit les trucs qui bougent à l'écran et que le siège bouge et tout, ça le fait vomir. Ah, le pauvre. Il a vomi dans le sac des Eduardo. Ah mince, c'est embêtant. Un bon le souvenir. Pauvre. Non, mais j'ai vu que Spade, je regardais. C'est vrai? Ouais, Banjo Gaioli aussi. Salut, Xavier aussi. Et on a eu un don de 15 euros. C'est vrai? Merci, oui, bien d'avoir un don de 15 euros. Merci beaucoup. Restez présents, les amis, parce que nous passerons demain matin et j'ai des goodies de ouf à vous faire gagner. On a plein de goodies à faire gagner. Ouais. Et alors demain, en plus, on va chanter. Alors, il faut vraiment être là. Mais il faut donner pour l'association, hein, c'est super important. C'est une bonne cause avant tout. J'ai porté la tablette. Oula, ça nous tourne l'écran, là. C'est pas cool, pour là. Voir le retour. On est dans le noir total, là. On ne sait pas si vous nous entendez, mais on est toujours là. Hein. On est toujours là. N'hésitez pas à aller visiter les gens du chat. Bon, nous, on voit rien, mais n'hésitez pas à échanger, à dire quels étaient vos pubs cultes. Oui, les échanges, 80, j'ai vu, 90. J'ai vu un petit peu d'échanges. Moi, à la limite, bon, moi, je participe pas, mais qu'est-ce que j'avais qui me faisait vraiment triper? Moi, j'aimais bien les pubs Carlos, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était festif et tout. Ouais. Tout ce qui était chantant, en fait, j'aimais bien. Et j'aimais bien aussi la pub, tu sais, c'était dans un bar. Ouais. Paul, une tourtelle et tout. Ah, ouais. Paul, une tourtelle. Paul, une tourtelle. Le goût, l'amertume, la mousse fine. Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans alcool. Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Ouais, là, c'est de la bière sans alcool, ça, c'est ça. Hein, oui, malheureusement. Enfin, c'est pas une bière. Quoi. Bah, je sais pas vous, mais moi, il y avait une pub. C'était la pub avec Emma Dokoun de Crunch. Ah oui. Cette jeune fille ne connaît pas encore le pouvoir de Crunch, une nouvelle génération. Plus croustillant. Et plus explosif que jamais. Eh, hey, dis donc, tu sais que j'ai vu Josie avec Marco. Oh, pauvre Sophie, trop dur pour elle. Tu ne ferais jamais ça, toi, hein? Crunch, une nouvelle génération croustille à tout casser. Ou elle regardait une série genre Premier Baiser ou... Exact. Ou Hélène et les garçons. Et puis tout s'écroule. Et tout s'écroule. Ouais, et on a tous rêvé de faire ça, d'acheter du Crunch pour juste faire ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai. J'adorais cette pub. Quelqu'un sur le chat avait parlé de la pub Please. Bien sûr, Please fait merveille pour ôter la poussière, mais ce n'est pas tout. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Please, prends la poussière au piège. Exact, avec cette comédienne Marie-Pierre Cazet. C'est pas toi, Yetcha, qui avait essayé de le faire une fois, là, de glisser sur la tête de tes parents. Non, qui c'est qui non c'est pas moi. Ça y est, les amis, on est revenu. On est de retour. Non, c'est, moi, j'ai pas essayé de faire Marie-Pierre Cazet. Merci, Daft Pacoun. T'as mis des sous ou pas, Daft? Bah allez, on relance. Donc, je vous disais, allez, je vous disais, les amis, écrivez à l'arc, donc, envoyez des sioux. Alors, quelle était la publicité suivante? Ça marche, miracle. Peut-être qu'on peut passer à la publicité suivante pour éviter de refaire planter. Si jamais il y a pas mal de fichiers. Le nombre de répétitions, c'est bien, mais. C'est ça, c'est l'effet Bonaldi. C'est ça. Voilà, exactement. Ça marche à répétition. Alors, je vous ai dit que notre ami. Shenron avait une fixette sur tout ce qui était parfum, mais je vous ai également évoqué le fait que le camarade Yetcha, lui, tout ce qui est bouffe et chimique, il est dessus. Et moi je dis, t'as craché dans ton yop, quoi. Oh là là. Elle était géniale. Oh là là. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Hé, hey. Ce serait pas un yop? Oh, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas l'extase, hein. Bon, c'est une espèce de yaourtiti. Mais laisse-moi yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yop? Ah, mais c'est grave ça, oh! Hé! Hey! Non mais sans blague, ils vont pas me tirer mon yop quand même. Yetcha, le yop. Pourquoi celle-là? Moi, je la trouve ultra malaisante. Hein, ah ouais, mais en fait, il y a alors les deux comédiens principaux là, on les a vus dans plusieurs séries, films et tout ça. Mais alors, ce qui me traverse l'esprit à chaque fois que je vois une bouteille de yop dans un magasin, je repense toujours à cette pub-là. Et en fait, je la trouve un peu à vomir, quoi. Ah, mais ça me dégoûte en fait, parce que déjà il y a le coup de j'ai craché dedans. Bon, déjà c'est pas classe, mais surtout. Cette gorgée qui prend à la fin, il lui reste plein de yaourts là sur. Ah mais tu fais une fixette sur ça, entre sa lèvre, et sur ses lèvres. Je trouve ça répugnant. Je trouve ça vraiment répugnant et ça me fait penser en effet à une publicité qui était pour une la bière. Je sais plus quelle bière. C'était avec la chanson de. Oui voilà c'est ça. Robert Palmer. Voilà c'est ça. Et à un moment on voyait un mec qui buvait une bière et il mettait plein de mousse. Sur sa moustache et vraiment ça me faisait vomir j'ai vraiment un truc qui me dégoûte et yop cette pub là me dégoûte m'a marqué par cet aspect là au-delà de ça c'est le côté bande de lascar qui tombe sur le gars moi, je sais pas je la trouve extrêmement oui malaisant. Surtout pour le piquer un yaourt liquide les gars et mesdames les priorités Natacha, tu te rappelles de cette pub je me rappelle de cette pub et c'est Edouard Montout qui fait une magnifique prestation alors qu'il c'est un très très bon comédien. Il joue hyper bien. Moi, je trouve qu'il est hyper naturel quand il s'essuie le visage avec sa main et puis après il s'essuie sur son pote derrière. J'adore. C'est génial. Ah non, elle a marqué tout le monde cette pub. Elle a marqué tout le monde. On est d'accord. Alors, les amis, bon, créneau horaire oblige, on arrive doucement mais sûrement à la fin de l'émission. Oh, déjà. Et il vous reste rien à part Yetcha. Ok, alors ça c'est je sais pas si t'as gardé le meilleur à la fin parce que vous aurez remarqué que j'ai fait par ordre chronologique. On est en 1998. Ah, je sais. Et Yetcha reste toujours dans la thématique de la boue. Ah. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de oui. Yetcha. Ah, c'est juste que tu as pris tes petits cachets quand même. Parce que, oui, alors la marmotte, non, met mais le papier. Cette pub, elle est culte. Enfin, qui n'a jamais fait cette réflexion pour n'importe quoi. Mais bien sûr. Enfin, c'est cette réflexion mais après le coup de la marmotte. Avec cette comédienne qui joue avec ce regard là, ce haussement de sourcils, enfin c'est énorme. Elle joue hyper bien et c'est une réplique que j'utilise pas tous les jours, faut quand même pas exagérer, mais je veux dire dans mon quotidien le oui bien sûr, ça m'arrive de le sortir au moins une fois par semaine quoi. Mais en fait cette pub elle est tellement culte qu'ils l'ont refait là il y a pas longtemps en inversant. Oui. C'est la marmotte maintenant qui dit il y a le petit garçon qui met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Ah ouais, l'exploitation des gosses, ça y est, on y va à fond quoi. Milka a refait sa propre pub, a parodié sa propre pub en fait, tellement elle est culte. En même temps, elle a 20 ans déjà cette pub. Bah ouais, 98 hein. Ouais. Ça nous rajeunit pas. Hein. Ouais, non. Ouais, oui. On est dans cette émission et dans cette thématique chez Décennies. on se rajeunit pas du tout. Ouais. Pas du tout. C'est vrai que je te rejoins Yetcha. Le côté le gars oui monsieur oui tu sais un peu malaise un peu, ah oui genre, oui genre vas-y raconte le truc ouais. Moi j'ai eu surtout toujours, le sentiment quoi. Genre j'ai un petit t'as peut-être oublié de te cacher quand même un petit peu. Alors les amis, on arrive à la fin de l'émission, je suis désolé, ça a été très court, j'aurais vraiment aimé qu'on en parle, peut-être qu'on s'autorisera un truc sur le plateau numéro 2, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Bon les amis, il nous reste quelques micro minutes, ce qui veut rien dire en soi. Est-ce que vous auriez rapidement souhaité faire un name-dropping, des deux pubs comme ça, qui vous viennent en tête, que peut-être j'essaierai de mettre en post-prod, Shenron? En fait, je pense toujours aux pubs des nuls, donc c'est horrible, ouais, parce c'est... que là, je pense à Royal Rabbin. Ouais, évidemment. Royal Canin. Ouais, bah, voilà, Royal Canin, Royal Rabbin. Royal Canin, c'est noté. Royal Canin. Ce qui est une pub encore qui, je pense, aujourd'hui, enfin une fausse pub, et qui si passerait peut-être pas trop aujourd'hui. Pardon. Et si je vous dis, les amis, ce petit coin de nature. Ah, ça, c'est le chat. Le chat machine. Le chien. Le chat sans phosphate. Le chat. Non, le chat, j'ai dit. Bon, ça va. Je l'ai refait. Attends, le chien sans phosphate. Faites confiance chat, à le chat machine. Je l'avais préparé, mon truc. Tu vois, bonjour, Robert, vendeur à Darty. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau le chat machine. Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau le chat machine sans phosphate. Le nouveau le chat machine sans phosphate, c'est un progrès décisif dans le domaine des poudres à laver. En effet, le chat machine réussit à allier la propreté éclatante du linge au respect de l'environnement. Le chat machine sans phosphate, c'est pour vous la satisfaction d'obtenir un linge éclatant. Et en plus, vous contribuez au respect de l'environnement. Nouveau le chat machine sans phosphate, la propreté éclatante et une contribution à un meilleur environnement. Le nouveau le chat machine sans phosphate, avec adoucissant. Non, sans adoucissant. Bon, je sais plus, mais en tout cas, il n'a pas de phosphate, c'est sûr. Après, avec phosphate, mais oui, non. Je ne cache pas que j'aurais bien aimé la passer, mais évidemment, le fichier a foiré. Oh, là, le fichier. Bon. En tout cas, chers amis, ça m'a fait plaisir. J'aurais vraiment aimé qu'on en parle plus longtemps. Il y a d'autres podcasts qui passent après nous. On fera une autre. Quant à nous, on vous dit rendez-vous demain. À quelle heure, Yetcha ? Demain, si mes souvenirs sont bons, c'est à 8h30 pour une spéciale générique culte. Alors soyez présents. N'hésitez pas à faire des dons. Hein, c'est vraiment une belle opération. Encore une fois, on salue Games & Co, Level Max et évidemment notre copain Dr Nostal. Merci beaucoup pour toute l'installation. C'est un truc de fou. C'est super. En si peu de temps. Moi, je dis un gros respect aux copains de la régie qui font surtout lors de notre émission, puisque là, c'est là qu'ils ont le plus souffert. Non, mais c'est un peu pour vous échauffer, pour les plus gros problèmes qui peuvent survenir plus tard. Nous, on est des bêta-testeurs, tu vois, c'est un petit peu oui, ça. Oui, David, confirme. C'est important. Et on vous dit à très vite et à demain. À très vite. Ciao, ciao. Merci encore. Merci. On s'applaudit. Et pan, toujours dans le mille, avec Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.